une invitation. Moi, ça fait très, très longtemps que j'avais envie de participer à cet atelier, ce séminaire, et puis j'ai jamais vraiment eu le temps, et je suis partie sur d'autres sujets, et je voudrais commencer là-dessus, c'est-à-dire que c'est mon rapport au genre, qui n'est pas si simple en fait. Donc je pense que c'est pour ça que je suis à la fois très contente d'être là, et qu'en même temps je ne suis pas venue avant, et je ne sais pas si je reviendrai après. C'est que, pour dire les choses, le genre n'a jamais été un objet de recherche privilégié pour moi, et en même temps je le rencontre tout le temps. Voilà. Et je ne sais pas très bien à quoi ça tient, donc je pense qu'il y a une première raison, qui est une raison d'historiographie dans laquelle j'ai été nourrie. C'est-à-dire que moi, je me définis d'abord comme une historienne de l'immigration et que la place des femmes dans l'histoire de l'immigration, en fait, elle est assez récente, comme une question posée à part entière dans l'histoire de l'immigration. Ça n'a pas été l'angle d'attaque de la plupart des recherches qui ont été menées dans les années 1990, en tout cas, moment dans lequel moi j'ai été socialisée dans cette histoire et dans cette historiographie, et la question femme, ce n'était pas une question, en tout cas pas en France. Du coup, il y a quelques exceptions près, hein. Il y avait quelques mémoires, je pense la question des femmes naturalisées, mais c'est vraiment en France, alors, il y avait des trucs aux États-Unis, mais en France, c'est vraiment les années 2000, donc c'est assez récent, et puis moi, donc, j'ai commencé ma thèse, je l'ai soutenue en 2002, ma thèse, donc en fait, c'était cette chronologie-là, c'est plutôt dans les années 2000 où la question du genre, elle arrive dans l'histoire de l'immigration, vraiment, je répète, française, comme un objet à part entière, qui devient, d'ailleurs, c'est beaucoup des gens qui ne se sont pas posés la question des femmes, qui du coup se posent la question de la femme, hein, c'est... Du coup, il y a en effet genre et travail migrant, il y a plusieurs colloques, séminaires autour de Philippe Rigienne, Manila Martini, Nancy Green qui fait un séminaire à l'EHESS, etc. Mais c'est que des gens qui ont fait une histoire d'immigration pas genrée et puis qui s'attaquent à cette question du genre-là. Et d'autre part, de l'autre côté, la part des migrantes, des étrangères dans l'histoire des femmes, elle est aussi assez marginale. Finalement, c'est pas non plus une question dans l'histoire des femmes, les étrangères. Du coup, et alors, dans l'histoire plus, encore, troisième champ, donc il y a l'histoire de l'immigration, l'histoire des femmes, bon. Mais pour moi, l'autre historiographie à part l'histoire de l'immigration, c'est plutôt l'histoire de l'entreprise, l'histoire du commerce, ou l'histoire des commerçants. Et là aussi, les femmes, elles sont pas très présentes, même si quand même un peu plus. Donc du coup, c'est un peu logiquement je ne suis pas dit je vais faire un chapitre par exemple sur les femmes. Voilà, pour le dire autrement, c'est-à-dire qui travaille dans la boutique, bah il y a des femmes. Tiens, mon entrepreneuse, tiens, c'est une femme. Voilà, mais c'est comme ça que je rencontre cette histoire. Et c'est aussi parce que voilà, moi c'est important, je pense, de rappeler hein, l'histoire des parcours de recherche, mais pour moi, je travaille en histoire de l'immigration. Dans l'histoire de l'immigration, je travaille sur un statut qui est celui de l'indépendant, qui déjà est peu étudié parce qu'on a surtout travaillé pendant longtemps sur les ouvriers, les salariés en tout cas. Et puis du coup, les femmes apparaissent déterminantes tout en étant aussi extrêmement silencieuses. Alors ça, c'est le dernier point du fait de... Cette impensée de mon travail relatif, hein, parce que je pense que je l'aborde quand même, mais c'est vrai que je ne veux pas faire un mea culpa, mais je suis consciente du fait que ce n'est pas une question centrale. C'est aussi que, enfin, en gros, ça pourrait être résumé dans un pourcentage très simple. Ce livre-là, donc, il a comme source principale le registre du commerce du département de la Seine, c'est-à-dire un registre où tous les commerçants doivent, pour ouvrir une entreprise, venir s'inscrire. Il y a 18% de femmes parmi ces commerçants. Et parmi les étrangers, il n'y en a que 12%. Donc, en même temps, c'est pas pour me... vous voyez bien que ce n'est pas central, quoi. C'est pas 18% ou 12%. Et pourtant, dans plein d'autres sources, leur présence est centrale. D'abord, dans les photographies. Alors là, elle n'est pas bien celle-là parce qu'on ne voit pas les commerçants, on voit les usagers. C'est-à-dire que ouais, j'aime pas du tout cette photo en plus, mais bon. Mais la plupart des photos que vous connaissez, qui sont des photos de devanture, de boutique, il y a la famille autour de la porte. Très souvent même, il y a le couple qui encadre la porte. Hein. La femme, elle est tout le temps présente. C'est rare de voir un homme seul devant sa boutique. Elles apparaissent donc à certaines occasions, dans les témoignages aussi, lorsqu'ils existent. Et puis dans des trajectoires de commerce, c'est-à-dire que si on étudie une entreprise, on voit que d'abord il y a un homme, puis après l'homme il meurt, puis il y a sa femme en fait, qui apparaît à ce moment-là. Donc elles sont là, mais sans être non plus de manière évidente là. Et travailler sur la place des femmes dans cet univers-là, ça revient aussi à s'interroger sur leur présence dans les sources et ou leur présence en pratique. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut apparaître entre les sources et les pratiques. Et je pense que ça doit être... Vraiment, je ne suis pas très bonne en historiographie du genre, mais j'ai l'impression que c'est aussi l'une des caractéristiques de cette histoire, c'est de devoir inventer souvent des sources et des manières de parler de gens qu'on ne voit pas. Et là, ça, c'est, pour moi, c'est beaucoup le cas. Beaucoup de cas, en tout cas, dans ce travail sur les commerçants étrangers. Et alors, après, donc, j'ai un deuxième chantier où là, l'impensé est un peu plus compliqué, mais j'y reviendrai en détail. Je voudrais juste le présenter pour finir mon introduction. C'est donc un travail où je rentre à l'intérieur des entreprises. Donc, ici, en gros, je décris peu comment ça se passe dans les entreprises, parce que ma source essentielle, même s'il y en a d'autres, c'est des sources administratives, d'ouverture, de fermeture du commerce, de quels sont les objets, etc. Et ma deuxième enquête depuis la fin de celle-là, c'est de rentrer à l'intérieur de l'entreprise pour essayer de voir comment ça se passe à l'intérieur grâce aux archives privées d'entreprise. Et là, du coup, la question des femmes, elle devient un peu embarrassante parce qu'elle est trop centrale. En gros, c'est l'inverse. C'est l'inverse de la première, du premier terrain. Bonjour. Le premier terrain, c'est « Où sont les femmes hein, ?» pour reprendre le titre de la chanson connue. Et essayer de comprendre que si on ne les voit pas, elles sont là quand même. Et la deuxième problématique, c'est qu'il y a une femme qui dirige l'entreprise et il serait tellement facile et pourtant tellement dangereux de se dire que tout ce qu'elle fait, c'est parce que c'est une femme. Alors, est-ce qu'elle gère de manière féminine son entreprise? Est-ce qu'elle a une gestion? C'est le différentialisme qui est posé d'emblée par le fait que, et c'est rare, donc, le genre de la propriétaire est un genre féminin. Et du coup, là, c'est plutôt se déprendre de tout ce schéma différentialiste pour essayer de montrer qu'en gros, est-ce que vraiment c'est si différent de ça qu'elle soit une femme ou pas? C'est pas évident. Donc vous voyez, en gros, comment je vais construire mon truc, c'est à l'extérieur, à l'intérieur, et selon le point de vue adopté, comment la place des femmes dans cet univers-là est gérée de manière différente. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais... Si, si. Alors, première question, donc j'organiserai mon propos en trois temps. La première question, c'est la question de la visibilité, et donc... et de l'invisibilité, plus exactement des femmes dans cette histoire des petites commerçantes étrangères. La deuxième question, c'est que je vais essayer de montrer que même si elles ne sont pas très visibles, elles sont là, et quelle est leur place dans les filières migratoires et les réseaux d'entreprises. Et puis la troisième question, c'est d'approcher... En fait, je m'approche de plus en plus du travail, puisque c'est ça qui nous réunit, sur les femmes au travail, c'est essayer dans un troisième temps, qui est la question qui m'intéresse le plus maintenant en fait, d'aborder la question des pratiques du travail dans l'entreprise, en posant la question de est-ce qu'il y a un travail féminin ou pas dans le cadre de l'entreprise. Et c'est pas du tout évident justement en historien de travailler là-dessus avec ces sources-là. Mais bon, voilà, j'essaierai d'esquisser quelques points, quelques perspectives de recherche parce que c'est un dossier qui n'est pas du tout encore abouti dans mon travail. Voilà, donc, premier point sur l'invisibilité et le cadre légal. Donc, la première chose, c'est que, comme je vous disais, avec ce pourcentage, 18%, puis 12% chez les étrangers, les hommes sont extrêmement majoritaires parmi les entrepreneurs inscrits au registre du commerce de la Seine et c'est le cas dans tous les registres du commerce, il y a eu des études dessus, dans l'entre-deux-guerres. Et d'ailleurs, c'est un phénomène général puisque l'historiographie dit dans toute l'Europe, la propriété de l'outil par les femmes se décline pendant le 19e siècle, avec une figure de la marchande qui se marginaliserait à mesure qu'elle se spécialiserait dans des domaines attitrés, comme la vente de fleurs, la parfumerie, la fabrique de fleurs artificielles, etc. Et plusieurs faits sont souvent avancés pour expliquer cette évolution, notamment le développement de nouveaux idéaux de la féminité, qui verraient séparer la question de la sphère privée, qui serait le domaine de la femme, et la sphère publique, qui serait le domaine de l'homme. Ça, c'est l'historiographie. Et puis, en même temps, c'est vrai qu'il y a de plus en plus besoin de capitaux pour ouvrir un commerce. Bon, voilà, il y a une historiographie un peu mainstream qui dit, ben voilà, c'est normal, en gros, il y a moins de femmes, parce que les femmes, elles sont moins dans les boutiques, alors qu'au XVIIIe siècle, on les voit partout. Hein, les femmes marchandes, c'est vraiment un personnage, la femme marchande. Il me semble que, sans contrecarrer complètement ce mouvement-là, il faut aussi y voir, ou plutôt y voir une conséquence de la minoration du statut légal des femmes, qui invisibilise leur présence dans le commerce ou dans l'entreprise. Et que ce n'est pas uniquement une question des faits, mais une question légale. Et pour cela, donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert dans mon travail de thèse et donc dans ce livre aussi, c'est le rôle du cadre juridique qui régit l'activité commerciale et qui change grandement, cette fois-ci, justement au début du 19e siècle, par rapport au 18e, avec la rédaction du Code du commerce en 1803. Je ne vous expliquerai pas pourquoi ça m'a particulièrement intéressée, mais pour les étrangers, c'est central pour expliquer l'attrait de la boutique pour les étrangers, mais on passe ça de côté. Pour les femmes, c'est aussi important parce que ce Code du commerce établit à la fois un principe qui va contre les règles des corporations, selon lequel tout individu est libre de faire commerce. Et pourtant, on a tout un ensemble de règlements qui viennent restreindre cette liberté pour le cas des femmes. Et ce n'est qu'en 1893 qu'il n'existe plus d'incapacité commerciale tenant au sexe. Donc on peut quand même s'interroger si le fait qu'il y ait une incapacité commerciale tenant au sexe de 1893 ne joue pas un rôle dans le fait qu'il y ait de moins en moins de boutiques tenues par les femmes. À partir de cette date, donc du 6 février 1893, attention, les filles, les veuves et les femmes divorcées ou séparées de corps deviennent pleinement capables au point de vue commercial. Et vous voyez que là aussi, c'est tout de même certaines femmes, en gros pas les femmes mariées. Et le cas de la femme mariée continue de poser problème, puisqu'elles sont frappées de l'incapacité juridique entre les deux guerres. En gros, le consentement du mari est requis pour pouvoir exercer une activité commerciale. C'est l'article 4 du Code du commerce. Et la loi de 1907, la fameuse loi qui établit pour la femme mariée la libre disposition des produits de son travail, engendre de multiples débats et controverses parmi les juristes pour savoir si elle est ou pas applicable dans le champ commercial. Il y en a plein qui disent « Non, non, non, non, non, c'est pas comme du travail, c'est du commerce, et du coup, elle n'est pas applicable. » Donc, je vous passe ce débat juridique qui est important parce que la plus grande partie des thèses de droit commercial dans l'entre-deux-guerres, c'est là-dessus, c'est sûr. Est-ce que cette loi de 1907 peut ou pas être appliquée sur le cas des femmes, avec toutes les questions de solidarité financière du couple dans le régime matrimonial de la communauté. Et en gros, pour le dire vite, si la femme fait faillite sans avoir demandé le consentement, le mari fait faillite aussi. Donc du coup, il faudrait que le mari puisse donner son consentement, disent les uns. L'autre disant, mais non, bon, bref. En tout cas, donc vous voyez, c'est au contraire des étrangers. Les étrangers, c'est un univers très très libre pour eux par rapport au monde du travail salarié, alors que dans le cas des femmes, c'est un monde beaucoup plus contraint légalement par rapport au travail salarié, en termes de législation et de droit. Ce qui est intéressant, justement, théoriquement, on compare souvent les étrangers et les femmes comme les deux dominés, et là, on voit que les chronologies, elles sont inverses en termes de libération, entre guillemets. Alors, évidemment, la guerre de 14-18 joue un rôle très important pour faire évoluer les choses, puisqu'on a beaucoup d'exemples de mineurs et de femmes mariées qui prennent la place des pères et des maris absents ou disparus ou mobilisés, notamment pour maintenir l'activité commerciale du pays. Et du coup, on a un mouvement général d'émancipation féminine aussi dans l'entre-deux-guerres. Mais malgré ces avancées, on est quand même dans un contexte de minoration légale des femmes qui explique pourquoi l'inscription au registre du commerce est prioritairement faite par un entrepreneur de sexe masculin. Donc je pense que c'est une raison extrêmement importante et je vais essayer de vous montrer comment je peux dire ça. C'est que si elles sont invisibles, même si, alors il y en a qui me disent pas du tout, 18% c'est énorme. Moi, très bêtement, et là, je pensais que ça aurait été 50%, parce que je ne voyais pas pourquoi. Bon, vous voyez comment je ne suis pas genrée. Donc bon, il y en a qui disent, bon, quand même, c'est pas énorme. En tout cas, je pense que c'est beaucoup plus leur présence dans les boutiques que 18%. La première chose, c'est un premier fait, c'est ok, il y a 18% de femmes, mais par contre, chez les hommes, 82% sont mariés. Ce qui permet tout de suite de nuancer quelque chose. C'est-à-dire que, évidemment, ça tient aussi à l'âge hein, de ces hommes qui ouvrent boutique plutôt dans la tranche 30-50 ans, donc qui sont plus mariés que les autres, on va dire, mais tout de même, 82%, c'est extrêmement important. Et puis cette masculinisation, elle est encore accentuée chez les étrangers, ce fait d'être marié, qui sont... est beaucoup plus important chez les étrangers parce que les étrangers, justement, par rapport aux Français, ils sont plus célibataires que les Français. Alors, c'est une population où il y a plus de célibataires en proportion parce que la migration familiale, elle est finalement moins importante dans l'entre-deux-guerres, en tout cas. Et puis même aujourd'hui, une population étrangère a toujours plus de célibataires qu'une population née sur place. Donc elle est particulièrement remarquable, le fait que les étrangers soient mariés. Et là aussi, c'est 72% des étrangers qui sont mariés. Donc 82% en général et 72% des étrangers. Et là, c'est une vraie grosse surreprésentation. À l'époque, c'est à peu près 50% des hommes des mêmes tranches d'âge, pour vous donner un ordre de comparaison. Première chose, donc, l'importance du taux de nuptialité qui vient tout de suite commencer à questionner cette infériorité numérique des commerçants. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi la disparité entre les hommes. Alors oui, alors attendez, je vous ai quand même préparé des petits graphiques, enfin des petits tableaux. Voilà. Alors, bon, je reviendrai sur les questions, enfin, je vous répondrai aux questions sur, parce qu'après, il y a des trucs un peu techniques sur les dates, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est la disparité, c'est qu'il n'y en a qu'une, hein, avec trois tableaux dessus. C'est la disparité des situations matrimoniales entre hommes et femmes, tableau 1. Vous voyez que, alors ça c'est un peu différent, c'est pas 82% parce que c'est des flux, bon, je vous passe, je reviens là. En gros, 3/4 des hommes qui ouvrent une entreprise entre 22 et 29 et 39 sont mariés, mais seulement 21% des femmes. Et par contre, les femmes, elles sont célibataires à 56%. Et puis, divorcés, 9%, grosse surreprésentation et grosse surreprésentation de veuves. Et donc, là, on voit aussi, alors, première interprétation, on peut dire que c'est des femmes très spécifiques qui ouvrent commerce. On pourrait se dire, bah, en fait, celles qui ouvrent commerce, celles qui ne sont pas sous le joug des hommes, hein, qu'elles soient veuves, divorcées, célibataires. Bon. Ou on peut aussi, et ça, c'est une autre manière de le prendre, qui est celle à laquelle j'aboutis dans ma méthode, de dire que c'est des femmes qui sont commerçantes, mais qui donc deviennent officiellement commerçantes au moment où l'homme disparaît, d'une manière ou d'une autre. Et alors, comment le voir? Et bien ça, c'est, on le voit très clairement lorsqu'on compare les sources. C'est-à-dire qu'on ne se met plus uniquement dans, face au registre du commerce, mais, par exemple, j'ai fait une des comparaisons systématiques que j'ai faites sur une quinzaine de rues d'un quartier à Paris, le quartier de Belleville, c'est comparer les sources du recensement de la population, qui sont aussi des indications professionnelles, les sources de la patente, donc ceux qui payent l'impôt des patentes, et la source du registre du commerce. Et là, on se rend compte que, alors que le commerce est déclaré par l'homme, la femme est déclarée de profession. Alors, bistrotière, cafetière, elle se déclare dans le recensement de profession commerçante. alors qu'elle n'apparaît pas dans le registre du commerce. Et puis, on peut le voir aussi dans certains secteurs particuliers qui sont particulièrement intéressants pour moi, parce que c'est des secteurs où justement, il y a les femmes jouent un rôle très important sur les étrangers. C'est notamment le secteur des débits de boissons. Alors, le secteur des débits de boissons, il est intéressant pour moi parce que c'est le premier secteur qui va opérer des restrictions vis-à-vis des étrangers. Il y a une loi de novembre 1915 qui va interdire aux étrangers de posséder un établissement qui vend des boissons alcoolisées à moins de résider sur le sol français depuis 5 ans. C'est la première fois qu'il y a comme ça une restriction pour les étrangers. Vous voyez que c'est une mesure qui n'est pas du tout... qui est une mesure type contre l'alcool, hein. C'est une mesure anti-alcoolisme dans la guerre, mais bon, qui vise les étrangers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a plein d'immigrants bistrotiers qui contournent cette disposition grâce à leurs épouses, en faisant inscrire le commerce au nom de l'épouse. Et pourquoi les épouses? Parce que les épouses, elles sont étrangères, mais souvent elles sont françaises. Parce qu'à l'époque, lorsque vous épousez un étranger, vous perdez votre nationalité française jusqu'en 1927. Donc en fait, ces étrangères sont là depuis leur naissance en France, donc elles ont leurs 5 ans de résidence, et d'un coup, on a plein de femmes étrangères dans le secteur des bistrots. Alors moi, je ne comprenais pas du tout pourquoi j'avais... Et en fait, c'est plein de femmes qui tiennent légalement le commerce, parce qu'elles permettent de contourner cet interdit à partir de 1915. Et là, on voit bien sur ce cas-là comment... L'interdit légal va informer des pratiques. Alors, ce n'est pas franchement des pratiques, parce que je ne pense pas qu'il y ait un rapport au travail si différent, même si, en fait, on verra que si, quand même. Mais en tout cas, c'est juste des inscriptions légales ou pas, le fait que la femme apparaît sur le devant de la scène, alors que bon. Donc, j'ai un exemple, hein, Marie Laurent, elle est née dans le Loiret, mais elle a épousé un Espagnol, Castelio, donc elle est devenue espagnole. Et c'est elle qui va déclarer le café-épicerie au Bon Coin, qu'elle déclare tenir à Bondy depuis 1902. Mais son mari, il est à ses côtés, il participe à l'activité commerciale, et il est commerçant. Et c'est peut-être même lui, sans doute, qui est le cafetier, en fait, pour les usagers, on ne sait pas. Et ça, on le voit dans les listes nominatives du recensement, où lui, il est déclaré commerçant dans toutes les listes nominatives de recensement. Et donc cet exemple montre les déterminismes de nature administrative ou juridique qui pèsent sur les caractéristiques d'une population lors de l'enregistrement sur un document officiel, ce qui est quand même intéressant sur le cas des femmes lorsqu'on a ce type de source. Notamment parce que l'immatriculation au registre du commerce, qui vaut autorisation de commercer, elle fait l'objet de stratégies individuelles spécifiques. C'est aussi que ce n'est pas uniquement une norme qui modèle des comportements, c'est qu'il y a des stratégies adaptatives vis-à-vis de la norme. Donc là, il y a une loi, et ben on va à s'adapter à la loi en déclarant plus ou moins selon... Et ça, pour moi, c'est assez important, c'est quelque chose de montrer qu'il n'y a pas uniquement une norme qui est appliquée de manière uniforme, mais qu'il y a des manières aussi de s'adapter, d'adapter les situations aux normes qui sont imposées. L'observation donc croisée des différentes sources utilisées dans ce bouquin qui est le registre du commerce, les listes nominatives de recensement et les patentes, essentiellement, permet du coup de constater l'importance de l'engagement économique et laborieux des femmes dans l'entreprise. Donc, d'abord, comme je vous l'ai dit, un très grand nombre d'établissements déclarés au nom de l'époux s'avèrent être tenus conjointement par le couple, comme on le constate dans le recensement. Ensuite, on peut aussi voir, parce que cette source qui est assez géniale, c'est qu'elle suit l'entreprise, en fait. Elle s'ouvre au moment où on crée l'entreprise, puis après, si on change d'adresse, le changement est montré, est déclaré, etc., jusqu'à la fin de l'entreprise, vous gardez le même numéro d'immatriculation, et donc c'est une source qui suit l'entreprise. Et du coup, là, on a pas mal d'entreprises où on voit en effet que l'homme, il décède, puis c'est la femme qui reprend à ce moment-là le commerce. Et du coup, on a tout un ensemble de stratégies d'immatriculation légale par rapport à une situation qui paraît quand même largement partagée, qui est une gestion conjointe par les deux époux, voire par les femmes seules, de boutique. Et ça, c'est le dernier point sur les étrangers. Très souvent pour les étrangers, justement, la femme gère la boutique, ce qui permet à l'homme commerçant d'exercer aussi un emploi salarié. Ce qui est le cas de manière très importante dans l'entre-deux-guerres, encore, contrairement au schéma de, d'une mono-activité où on est soit salarié, soit on a cette image-là, hein, de après le tournant de 14-18, on devient employé dans les... En fait, justement, dans les usines automobiles, par exemple, de Lyon, on le voit très bien chez les Algériens, ils vont se faire employer 3-4 mois là, et puis après, ils vont se faire employer autre part. Et du coup, la boutique, c'est justement le continuum. Donc, et puis très souvent, on va la journée à l'usine, le soir, on tient la boutique, et la femme, elle fait toute la journée à la boutique. Donc, ça permet aussi d'être dans une espèce de polyactivité. Donc, dès qu'on est dans des opérations de situation individuelle, c'est ça qui apparaît, qui est assez fort. Du coup, ça nuance grandement cette thèse selon laquelle les nouveaux idéaux de féminité imposeraient à la femme marchande une place de plus en plus marginale. Dans ce cas des entrepreneurs individuels, la femme, elle semble complètement au travail tout le temps, pour le dire autrement. Et d'ailleurs, on le voit bien donc, dans cette disparité des entrepreneurs selon le sexe, où finalement, en creux, c'est voir qu'elles deviennent officiellement commerçante au moment où les femmes divorcées et les veuves, c'est pas tant qu'elles sont indépendantes, c'est que juste elles gardent le commerce après un changement. Du coup, il semble nécessaire pour étudier la participation des femmes dans ce monde-là de ne pas s'en tenir aux seules données macro-statistiques, mais essayer d'envisager de décrire justement les types de configurations familiale ou relationnelle ou de parenté au sein desquelles les entrepreneuses prennent place. Et donc, ça sera mon deuxième point, déjà j'ai pris un peu de retard, c'est d'essayer de voir, d'avancer un tout petit peu pour essayer de comprendre la place dans la pratique au travail. Vous voyez que moi je ne suis pas du tout rentrée encore sur le rapport au travail, d'essayer de comprendre comment ça s'articule. Et là, alors je vais aller rapidement, parce que je voudrais surtout passer à ma troisième partie, qui pour moi est la plus nouvelle, donc la plus intéressante, c'est d'essayer de montrer qu'il y a tout un ensemble de configurations qui sont quasiment obligées dans l'entreprise, que sont le couple, d'abord, et que là, le couple, c'est vraiment, dans ce monde professionnel-là, une sorte d'entité économique, patrimoniale et laborieuse, hein, c'est les trois à la fois, et que ça joue un rôle central dans l'installation comme indépendant pour les Français, mais encore plus pour les étrangers. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Et notamment, dans le cas de mariage dit mixte, qui est très important chez les étrangers qui sont commerçants, et où, là, c'est la figure de parenté dit du mariage en gendre, où en gros, on le voit bien parce que les étrangers qui sont mariés avec des Françaises, alors Françaises, je veux dire, qui sont nées en France, parce qu'elles sont parfois étrangères parce qu'elles ont perdu leur nationalité, très souvent, c'est le régime de la séparation de biens qui est beaucoup plus représenté, parce que ce régime protège justement des biens qui viennent de la lignée féminine, et donc qui permettent d'avoir cette association économique. Et donc là, on a beaucoup de cas comme ça, où en plus quand on suit l'établissement on voit que c'est un homme qui a un établissement, sa fille le reprend, puis finalement il passe au nom d'un étranger qui est en fait le mari de la fille mais sous le régime de la séparation. Deuxièmement, le couple c'est vraiment l'occasion d'unir les forces de travail des deux époux au service de l'activité commerciale, et du coup là on le voit notamment bien dans tout un ensemble de données, mais notamment le fait que, on le voit dans le troisième tableau, l'indépendance économique se réalise pour les femmes davantage, d'une certaine manière, dans le cadre conjugal, pour les étrangères, que pour les Françaises. Ça aussi, ça montre que chez les étrangers, il y a un cas spécifique où le couple est vraiment une entité dans la boutique, beaucoup encore plus forte que chez les Français. Je vais vite, hein, parce que j'avais prévu un peu plus, mais voilà. Et puis, oui, mais vous voyez, j'en suis qu'au deuxième partie, j'ai fait déjà une demi-heure, donc 34 minutes. Bref. Bon, non, mais du coup, voilà. Et puis dans les témoignages, enfin, et ça, là, je rejoins quelque chose que vous connaissez, la contribution du conjoint à l'activité de la petite entreprise est essentielle chez les immigrants. Qu'il ou elle tienne la caisse, fasse les comptes, soit chargé des finitions. Les trois quarts des couples, alors c'est une citation d'Etienne Radzimov, dont les parents venus de Pologne s'installent comme giletiers à Belleville dans les années 20. Comme ma micro-histoire dans le cadre de ce travail-là, c'est Belleville, donc j'ai fait un recueil des témoignages publiés sur Belleville. Et je le cite, les trois quarts des couples travaillaient ensemble parce que le mari avait besoin d'une finisseuse pour coudre les boutons, pour faire les surpassages. Il arrivait que quand mon père était à la machine, c'était ma mère qui allait livrer, etc., etc. Et pour les étrangers, les femmes représentent justement ce maillon qui rend possible l'accès à l'indépendance. Donc c'est vraiment, au contraire de l'historiographie sur le 19e siècle, moi la femme, elle, chez les étrangers en tout cas, elle est là tout le temps, partout, quasiment. C'est très très rare d'avoir un homme seul, relativement seul. Parce que lorsqu'il n'est pas marié... Et ça sera mon deuxième point, c'est que quand il n'y a pas de couple, là, on a ce que j'appellerais des maisonnées ou des réseaux d'entreprise où les femmes jouent aussi un rôle assez important. Alors, les maisonnées, je les ai définies en cherchant, en gros, alors là aussi, c'est une méthode, c'est ma troisième méthode de travail. Donc, je vous ai dit, il y a une méthode quanti pure avec un gros sondage sur 2500 immatriculations au registre, donc très macro. J'ai une méthode locale, histoire locale sur Belleville, donc un quartier regardé à fond, rue par rue, avec recensement patente, mais dans les rues. Et puis pour sortir un peu du quartier et justement essayer de comprendre s'il y avait des filières migratoires, ce qui est très important dans l'histoire de l'immigration, j'ai fait une espèce d'essayer de reconstituer des maisonnées. Alors pour ça, j'ai pris sur les gens de Belleville, j'ai pris tous ceux qui étaient étrangers, et j'ai cherché... Tout, grâce au registre alphabétique du registre du commerce, tous ceux qui avaient le même patronyme. Donc par exemple, là je donnerai deux exemples, les Papadopoulos et les Gourevitch, mais bon, il y en a plein. Et je regardais tous ceux qui étaient inscrits avec le même patronyme, et je décidais qu'ils faisaient partie d'une même maisonnée lorsqu'ils avaient le même patronyme, même lieu de naissance, et qu'à un moment de leur trajectoire, ils partagent un lieu, quel qu'il soit, une adresse en commun. Et là, je me disais, ces gens-là sont... Je ne peux pas dire qu'ils font partie de la même famille, je n'ai rien sur les liens de parenté, ce qui est mon gros problème. Donc du coup, c'est ce concept de maisonnée qui essaye de caractériser donc, une configuration où il y a partage d'un lieu à un moment ou à un autre, donc connaissance, provenance commune et non commun. Et du coup, je reconstitue comme ça des maisonnées d'entrepreneurs. Et là, c'est là où les femmes apparaissent de manière assez intéressante pour montrer justement leur rôle dans les filières migratoires et les réseaux d'entreprises. Donc je voudrais juste donner deux exemples. Alors le problème de cette méthode, c'est que j'ai que des exemples. Bon, alors en historien, on est habitué, on n'a que des exemples et tout. Moi, c'est vrai que du coup, je suis un peu insatisfaite, que j'aurais bien aimé essayer d'en faire un peu plus. Pour le moment, je ne peux pas. Donc voilà. Mais donc la maisonnée Papadopoulos, elle est assez intéressante sur des opportunités qui peuvent être offertes justement par les établissements gérés par les femmes. Sur les 27 entrepreneurs de la maisonnée Papadopoulos, on en a 8 qui sont le tiers qui sont des entrepreneurs de sexe féminin. Et elle est remarquable, cette proportion, le tiers c'est beaucoup plus que les 18 ou 12%. Mais ces épouses Papadopoulos, elles sont très souvent nées en France et elles appartiennent à deux générations, en gros. La première, elle est née dans les années 1880. Et la deuxième, elle est née dans les années 1914-1920. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux générations vont faire que nos Papadopoulos vont premièrement se redéployer sur un secteur, bon c'est des gens qui sont à Belleville au départ, se redéployer sur un secteur particulier qui va être en gros la banlieue ouest, le nord-ouest parisien, et c'est des femmes qui viennent de là, qui commencent à ouvrir des entreprises Papadopoulos, et du coup, on a plein de Papadopoulos qui arrivent et qui se mettent à Asnières, sur Eau, etc. Et puis, la deuxième génération, elle, ça va être un renouvellement sectoriel, où les femmes, à nouveau, innovent, alors que c'est une maisonnée qui est vraiment dans la chaussure, le cuir, les Papadopoulos, Et là, deuxième redéploiement, c'est vers l'alimentation, dans les années là plutôt 30. Et là encore, c'est les femmes qui sont pionnières. Donc on voit qu'elles jouent un rôle dans le redéploiement des activités de la maisonnée, et sectorielle d'une part, et géographique d'autre part. Donc ça, c'est assez intéressant de voir donc, un rôle spécifique qui n'est pas uniquement l'engagement laborieux dans l'entreprise, mais qui est aussi un rôle... Alors là, c'est très particulier parce que c'est souvent des femmes nées en France. En fait, elles sont c'est des alliées Papadopoulos, hein, c'est pas des nées Papadopoulos, qui du coup orientent la filière migratoire. Puis à chaque fois, ça crée quand même, qui dit nouvelle entreprise, dit nouveau réseau migratoire, enfin ça crée quand même de l'activité dans la filière migratoire. Deuxième exemple, là c'est plutôt pour montrer que le rôle des femmes, il est sollicité au gré des conjonctures économiques et selon le contexte. C'est la maisonnée Gourevitch. Alors là, c'est une maisonnée qui est spécialisée dans les meubles au Faubourg Saint-Antoine. En gros, hein, c'est ça vraiment leur gros truc. Et ce réseau va être transformé par l'arrivée de femmes entrepreneuses dans les années 30 qui vont complètement sauver le réseau du meuble mis à mal par la crise des années 30 en se lançant dans la confection. Et donc, c'est très souvent des épouses des Gourevitch qui travaillent dans le meuble, qui se mettent à devenir fabricantes de tricot, fabricantes de confection, etc., en restant pas très loin, hein, dans le 12e, mais qui permettent en gros d'avoir des revenus supplémentaires à la maisonnée Gourevitch, qui va pas très très bien, d'ailleurs il y a 3 faillites, au milieu de la crise économique des années 30, qui est particulièrement difficile dans le secteur du meuble. Donc on voit là que c'est un appel aux femmes, où en fait les femmes se mettent à diversifier, mais plutôt dans une conjoncture de crise. Et on voit que là, il y a vraiment une spécialisation sexuée des secteurs d'implantation des entreprises. C'est-à-dire que chez les Gourevitch, toutes les femmes sont dans le tricot et tous les hommes sont dans le meuble. Alors qu'ils sont très souvent mariés et femmes. Hein. C'est-à-dire qu'on peut penser que la femme avant travaillait aussi dans un magasin de meubles, etc. C'est aussi une manière de... Voilà, donc j'ai pas de typologie systématique et généralisable de la participation des femmes dans ce monde, comme vous le voyez, hein, j'ai plutôt des espèces de pistes, mais qui montrent qu'en fait, elles sont importantes, non seulement dans les forces de travail, mais pas uniquement, c'est-à-dire que c'est aussi dans des stratégies entrepreneuriales à plus long terme, et qui sont parfois imposées par des contextes légaux, parfois imposées par des contextes économiques. Mais le dernier point, et qui est le plus difficile, et pourtant je pense particulièrement stimulant pour ce qui me concerne, c'est essayer de mieux justement questionner la question des pratiques au travail. Alors c'est assez en friche, et en gros ça, c'est un peu entre deux questions, c'est-à-dire travail féminin ou partage des tâches, pour le dire rapidement. C'est un point encore aveugle pour beaucoup de parts, mais donc là je voudrais surtout vous soumettre quelques perspectives et les soumettre à votre discussion en changeant d'échelle et de terrain, même si je ne change pas de terrain, je reste dans l'entreprise tenue par des migrantes, mais je passe en effet à Lens et en changeant de point de vue, puisque je change d'échelle en passant à l'intérieur de l'entreprise. Mon interrogation, c'est que plus ça va, je pense, plus la question des pratiques, quelles qu'elles soient, m'intéresse. En fait, je pense qu'au début, j'étais formée dans une histoire... des interrogations plus sur, je vais essayer de ne pas le dire trop, un peu le gros méchant État, hein, vous voyez, l'État qui va chercher les étrangers, etc., à la Noiriel, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'immigration, donc c'était ça ma socialisation historienne, et puis plus ça va, plus j'ai envie de savoir que font les étrangers dans leur pratique, et les gens en général, et plus ça va, plus c'est ça qui m'intéresse, donc je sens que c'est ça qui... Mais enfin, c'est pas si simple, en fait, en tant qu'historien, de répondre à cette question des pratiques. Et surtout que les sources administratives, justement, elles disent quasiment rien sur les pratiques. La revue du commerce, j'ai rien sur les pratiques. Je sais qu'ils sont en tel secteur, je sais qu'ils ouvrent, mais j'ai absolument pas de choses. Et puis c'est très difficile de travailler sur des pratiques quand on a dans, justement, ce monde de la boutique. Alors, j'ai lu, je sais pas si vous connaissez ce bouquin qui est vraiment super, donc je l'ai amené pour faire un peu de pub, enquêter sur le travail, qui est un manière de sociologie, et qui, je trouve, donne énormément de pistes et conceptuelles et pratiques sur... elle propose une sociologie du travail en acte, en essayant d'expliquer quelles peuvent être les sources possibles pour travailler sur l'acte du travail. Puis en fait, il y a plein de trucs qui s'écroulent pour les commerçants, parce qu'on n'a pas toutes ces sources-là. C'est très compliqué d'avoir des sources sur les normes du travail, mais il n'y a pas beaucoup de normes du travail dans la boutique, etc. Donc c'est compliqué. Mais quand même, ça donne un certain nombre de pistes. Et du coup, que j'ai essayé donc de prendre une par une pour essayer de voir si je pouvais y répondre. Alors, on opère donc un petit changement, on va dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin plus exactement dans le Pas-de-Calais, à Langres, dans une entreprise donc tenue par la femme que vous avez vue là, voilà. Bon, à part que... ouais, elle est belle. Il y en avait des super belles sur elle qui travaillent dans la boutique, mais comme, bon, bref, et qui sont marrantes, surtout. Bon, cette femme-là, donc, elle arrive de Pologne dans les années 30. Je ne vais pas vous dire toute sa trajectoire parce que ça serait trop long, je vais vous en parler déjà assez dedans. Elle ouvre une entreprise de confection où elle vend du tissu en gros et des vêtements. Essentiellement, sa clientèle, c'est des mineurs polonais. Catholique, travaille dans les coraux, on va le dire vite. Et elle, comme elle parle polonais, c'est du commerce interethnique pour reprendre les grandes catégorisations, elle va vendre en polonais, à crédit, des vêtements aux mineurs. Il se trouve que donc on a recueilli les archives de cette entreprise, je dis on parce que ça a été une enquête collective. Et à partir de cette enquête, donc je n'ai pas du tout présenté, plusieurs questions se posent. Et qui sont là vraiment des questions centrales autour du différentialisme. Moi, j'ai l'impression que je ne suis pas très claire par rapport à ça. Donc, vous voyez bien que c'est la force des choses là qui m'impose le fait de poser la question du genre, puisque c'est une femme. C'est un hasard. Je ne vais pas chercher que ce soit une femme. Moi, j'ai recueilli les archives, c'est une femme. Voilà. Non, mais c'est important, parce que je ne cherche pas la femme, en fait. La femme arrive. Et du coup, tout de suite, on m'a demandé, non mais du coup, c'est peut-être parce que je ne la cherche pas que du coup, la question de y a-t-il un mode de gestion entrepreneuriale genré, elle se pose, puis en même temps, j'arrive pas trop, bon, enfin en fait, j'arrive pas trop à y croire. Mais bon, peut-être que c'est parce que, bon, je ne sais pas. En tout cas, question, est-ce qu'il y a un mode de gestion féminin de l'entreprise? Et quels sont les liens entre des discours là-dessus et des pratiques? Parce qu'il y a plein de discours sur les femmes sont trop ceci, pas assez cela, elles tiennent bien leur compte, elles tiennent mieux leur compte, elles vont plus vendre, elles choisissent mieux les produits, c'est la femme qui va s'approvisionner parce qu'elle connaît mieux la mode, etc. Donc ça, il y en a plein des discours. Comment, en pratique, essayer de voir s'il y a une division sexuelle des tâches d'abord dans l'entreprise et surtout à la tête de l'entreprise? Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que justement, c'est des entreprises individuelles, donc elle est seule à la tête. Comment faire? Vous verrez qu'elle n'est pas si seule, donc on peut quand même faire des comparaisons. Et puis même si je fais des comparaisons, en gros, je les compare avec son frère, parce qu'ils sont associés, son frère a une entreprise, elle aussi, les deux dans le même lieu, ils ont à peu près... Mais bon, après, est-ce que ça tient au genre ou est-ce que ça tient à leur histoire, au fait que c'est son frère, au fait qu'il y a plein de choses qui m'ont l'air plus pertinentes que le genre? Donc, ça va être... voilà. Mais quand même, je pose la question. Alors, pour ça, j'interrogerai mes sources d'après les trois pistes suggérées donc, par les auteurs de ce manuel sur les pratiques du travail. Premièrement, essayer de voir s'il y a des positions distinctes hommes-femmes dans la stratification sociale. Ça, c'est très important dans cette entreprise, c'est d'essayer de voir si les postes dans l'entreprise sont occupés différemment par des hommes et des femmes. Et c'est particulièrement intéressant, me semble-t-il, parce que c'est très très peu connu le salariat des petites entreprises, comment ça fonctionne dans les petites entreprises, etc. On a pas mal de choses sur les grosses, mais sur les grandes, pas grand-chose. Et du coup, savoir si le genre dans les salariés, ça joue comment dans un truc où tout le monde se connaît, il y a cette image de la grande famille, c'est intéressant. Deuxième question, est-ce qu'il y a une transposition de l'espace domestique dans l'espace de travail? J'imagine pour vous, c'est des questions de base, mais voilà. Et troisième question, est-ce qu'il y a des socialisations différenciées entre hommes et femmes dans le rapport au travail et donc ici à la gestion de l'entreprise? Il se trouve que ça s'adapte bien à mon cas. Donc premièrement, partage des tâches dans les postes de l'entreprise. Donc là, vous voyez que je passe aussi du côté des salariés. Et là, oui, de manière énorme, il y a le facteur genre qui joue. C'est-à-dire que d'abord, on a des appellations. Alors là, ma source, c'est les fiches de paye des salariés, hein, que j'ai donc saisies de 1945 à 1976, mois par mois, pour tous les salariés. Bon, je dis ça, en même temps, ils ne sont pas si grands, parce qu'il y a au maximum 16 salariés par an. Donc, mais bon, oui, ça fait une grosse base, des années. Voilà. Donc, alors, sans revenir sur les... Il y a plein de choses à faire encore, hein, sur les disparités de salaire, etc. Mais ce qui est très intéressant d'abord, c'est que dans les fiches de paye, on est obligé de mettre un emploi, et que l'emploi, il est toujours... sexuée. C'est-à-dire qu'il y a les vendeurs et les vendeuses. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant qu'on met vendeur ou vendeuse, c'est que vendeur et vendeuse, ça n'a rien à voir comme poste en entreprise. Et ça, moi, je le vois bien parce que je sais qui sont les vendeurs et ce qu'ils font, est-ce que par les entretiens, par plein d'autres choses, et tout. Donc les vendeuses, ça veut dire travailler dans l'entreprise, dans la boutique. Le vendeur, les vendeurs, c'est ceux qui vont dans les corons, démarcher les clients et les encaisser. Et donc, c'est assez intéressant de voir que et le poste et l'intitulé, il est sexué, pas tant parce qu'on met un féminin, mais parce que ça correspond à un poste complètement différent. Et du coup, il y a parmi ceux que j'appellerais les colporteurs, qui ne sont pas des vrais colporteurs parce qu'en fait, ils sont salariés, hein, donc ce n'est pas des indépendants, mais ces colporteurs-là, il y a des femmes aussi. Et quand elles sont femmes, elles sont mises démarcheuses ou encaisseuses, elles ne sont pas mises vendeuses, puisque les vendeurs, justement. Donc c'est intéressant de voir que leur carrière salariale et leur type de travaux, il y a une appellation qui change. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. C'était la première chose, c'est qu'il y a vraiment une division après sexuée du travail dans l'entreprise. Et par contre, les vendeuses, dans la boutique, c'est que des femmes. Il n'y a aucun homme qui reste dans la boutique. Ça, et parce que la boutique, elle est tenue par elles, et il n'y a que des femmes. Et ces femmes, en plus, elles sont... C'est des Polonaises. Alors oui, j'ai oublié de dire, elle est juive polonaise, cette femme. Ce n'est pas une Polonaise catholique. Avec tous les bisbis possibles entre les juifs et les polonais, et les catholiques, surtout au moment où ils ont eu une histoire pendant la guerre, etc. C'est compliqué. Parce que, bon. Mais malgré tout, ils travaillent vraiment beau. C'est sa clientèle, les polonais, et ces vendeuses, elles sont toutes polonaises, c'est des filles de mineurs, très souvent, qui sont prises dans la boutique, alors que les colporteurs, ou les femmes qui sont colporteuses, c'est quasiment que des juifs polonais, qui eux sont, donc il y a une différenciation aussi ethnique, parce qu'en termes de nationalité, à part qu'il y en a qui sont naturalisés plus ou moins vite, mais ils sont tous originaires de Pologne, mais ce n'est pas les mêmes Polonais. Quoi. Donc, les Polonais sont dans la boutique, les catholiques polonaises, alors que les juifs polonais vont dans les cours. Donc ça aussi c'est intéressant. Et puis, justement, moi j'étais vraiment intéressée sur les femmes colporteurs, savoir qu'est-ce qu'elles avaient ces femmes, et alors ces femmes, elles ne sont pas du tout pareilles que les femmes vendeuses. Elles sont soit... plus de 50 ans, entre 50 et 65 ans, Rivka Faust, elle est née en 1906, elle est colporteuse pendant 2 ans, années 56 et 57, voilà. Ou alors Joséphine Calouti, née en 1953, employée en 76, vous voyez, 23 ans. En gros, c'est soit avant le mariage, soit après, hein, mais c'est des toits toutes jeunes, et elles font ça des tout petits laps de temps. Alors que les vendeuses en boutique, elles se marient dans la boutique, elles ont des enfants dans la boutique, c'est des carrières salariales beaucoup plus longues, qui restent dans la boutique et qui sont pas des petits. Donc on voit bien que c'est un travail d'appoint qui est plus masculin, où les femmes qui sont employées dans ce travail-là vont le faire à des moments de leur carrière un peu différents. Vous voyez, c'est très exploratoire parce que je n'ai pas encore creusé vraiment cette piste genre de manière sérieuse. Mais c'est intéressant. Et dernière chose sur cette division sexuelle dans les positions dans l'entreprise, qui me permettra de faire la transition avec mon deuxième point, c'est le commis. Donc là, commis, il n'y a qu'un commis. Hein, c'est toujours... il n'y en a qu'un. Et on pourrait croire que c'est neutre. Hein, il est commis tout le temps. Et en fait, c'est toujours la même personne. C'est le second mari de Sauchet. Donc là, vous la voyez travailler avec son premier mari, qui a été assassiné par la milice Avoir en 1944. Elle s'est remise en ménage après la guerre avec Fred. Et Fred, il est commis. Et il est commis tout le temps, mais alors il gagne 4 fois plus que les vendeuses. Mais ce qui est intéressant, c'est combien, là, ça me permet de faire la transition sur espace domestique, espace. Ouais. Vous voyez combien l'intitulé extrêmement dévalorisant du commis correspond aussi à sa position dans l'espace domestique sur laquelle je vais arriver, où il va toujours rester en position subalterne, même si financièrement il va gagner plus que les autres, ce qui donc m'amène au deuxième point. Alors, le deuxième point, c'est justement ce lien entre pratique du travail et position dans l'entreprise et position dans la famille. Alors, cette entreprise, donc, comme j'ai commencé à vous le dire, elle a deux têtes légales, un frère et une sœur. Elle, Sauchet, donc, je vous la présente un peu plus rapidement, elle est donc mariée à deux reprises, elle n'a pas eu d'enfant. Son premier mari, qu'elle a rencontré dans les années 30, quand elle le rencontre, il est marchand ambulant à Paris, et elle est à Lens. c'est important, parce que là aussi, l'image du couple boutiquier qui est installé au même coin de rue depuis des années, qui observe de sa vitrine, vous savez, les changements du quartier et tout, là, il est complètement explosé par cette union, parce qu'en gros, à la date de leur mariage, lui, il vit à Paris, elle vit à Lens, mais surtout, ça continue. Ils se marient en 35, et de 35 à 40, lui, il continue à être à Paris, elle est à Lens, chacun a son commerce, elle est à Lens, et lui, et sans doute qu'il y a des échanges économiques entre les deux, mais il y a une bi-résidence qui perdure tout au long de leur mariage. Et elle s'installe, alors lui, elle va s'installer 2 mois à Paris en 37, lui, il va s'installer 1 an et demi à Lens, fin 38 jusqu'en 39, mais ils gardent toujours leur entreprise dans 2 endroits différents. C'est intéressant sur ce que c'est que cette femme aussi, pour expliquer après ce qu'elle va devenir. Et puis, cette association économique, elle a pourtant la même activité. Lui, il est commerçant ambulant de tissu à Paris. Elle, donc, je vous ai dit, d'abord commerçant ambulant, puis l'entreprise est créée en 38. Quand je dis entreprise, c'est avec boutique à partir de 38. Donc, il est assassiné en 44. Et puis, elle se remet en ménage avec ce Fred. Lui, c'est une autre histoire. Il arrive après-guerre en France. Il a été déporté à Auschwitz, mais de la Pologne. Donc, c'est un primo-migrant post-guerre. Il y en a pas mal à Lens, en fait, qui arrivent... qui arrive après la guerre. Et puis, il se met en ménage avec elle, mais il se marie à la synagogue, mais il ne se marie jamais civilement. Là aussi, pour qui connaît un peu l'histoire de l'entreprise, ce n'est pas du tout un hasard. C'est-à-dire que, justement, on est encore sous le régime de la communauté et que, du coup, il s'agit de garder les choses, quoi. Donc, lui, il va être commis, il ne va pas y avoir de mariage civil, il va y avoir un mariage religieux. Alors, le frère... Ça, c'est première entreprise. C'est le frère, c'est Abraham. Non, lui, pas du tout pareil. C'est son petit frère. Hein. Bon, ils sont 5, mais c'est le deuxième. Lui, il est marié depuis les années 30 avec Sarah Strasfeld. Il est père de 2 garçons, un qui est né juste avant-guerre, l'autre juste après-guerre. Il a suivi, en fait, sa femme et sa sœur. C'est-à-dire que c'est un peu... Alors que c'est un homme, c'est un suiveur, on va le dire comme ça. Je ne sais pas comment le dire, mais... Sarah, donc, elle l'a précédée, sa femme, à Lens, où elle est installée avec sa famille, où elle a appris avec ses parents. Ses parents, ils sont assez riches, ils ont un commerce d'alcool, etc. Donc, elle est un peu une héritière. Lui, il arrive, il se marie avec elle. Ils connaissent du même village, hein, ils viennent du même village. Ils se marient et du coup, il ouvre un commerce de tissu, mais sans doute grâce à l'alliance de ses beaux-parents. Et d'ailleurs, c'est un peu un mariage en gendre. Et du coup, dans cette entreprise-là, qui est au nom d'Abraham, Sarah, elle joue un rôle hyper important. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là légalement, mais dans tous les témoignages qu'on a recueillis des vendeuses, etc., ils expliquent qu'elle tient la boutique, quoi. Et du coup, la vraie concurrence est entre Sarah et Sauchet. Parce qu'ils vivent tous ensemble hein, dans une petite maison que moi j'ai été, puisque c'est là où j'ai recueilli les archives. Je suis rentrée en histoire à la mort de Sauchet en 2002, qui est morte très très âgée. Et du coup, ça se passe tellement mal dans la boutique que Abraham et Sarah déménagent à Lens pour fonder une succursale qui va être une boutique beaucoup plus chic, avec vue sur rue, dans une grande place, vente de vêtements, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, justement, la gestion d'entreprise, vous voyez, dépend de la gestion des liens familiaux. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de concurrence entre la belle-sœur, paf, on crée une succursale. Le Fred, en l'occurrence, il est très très important parce que mais il reste toujours commis et lui et on le dit. Hein, je vais vous citer un entretien. Il avait une position un peu en retrait de toute façon dans la famille. Il a toujours eu un peu un statut de pièce rapportée quand même, qui n'était pas très valorisé. C'est-à-dire que même par exemple pour beaucoup de décisions, je pense qu'il n'était pas consulté. C'est objectivé dans le fait qu'il est commis tout le temps. Et en même temps, ce n'est pas objectivé dans sa position économique. Donc, on voit comment les statuts dans la position de famille sont transposables dans la position. Même si tout n'est pas lié à la famille. C'est-à-dire, en l'occurrence, les relations de famille sont aussi fortement influencées par les relations économiques. Au sens où, justement, le bisbis entre les deux belles-sœurs est beaucoup, beaucoup avivé par le fait qu'elles ont 2 marchés différents à Lens, sur lesquels elles sont en concurrence sur des stratégies économiques. Est-ce qu'il faut continuer avec, en gros... la clientèle un peu nulle, qui ne rapporte pas beaucoup des mineurs polonais, ou est-ce qu'il faut s'installer sur le boulevard et puis faire un truc qui veut un peu plus? Elles ne sont pas d'accord, finalement, elles s'engueulent, et du coup, il y a déménagement. Donc les deux sont en interrelation, mais c'est assez intéressant comme sur justement le fait, et vous voyez que là, les positions sexuelles ne sont pas du tout réifiées. En fait, c'est vraiment des positions dans l'espace domestique qui jouent, qui ne sont pas tant genrées, finalement, parce que ce n'est pas les dominants, les dominés, c'est des positions au sein de la famille qui vont jouer dans les rôles économiques, plus que on ne peut pas faire vraiment sur ce cas-là une ligne de partage homme-femme qui marche très bien. Parce que vous voyez, les deux couples, bref. Voilà, j'avais annoncé un troisième point sur les socialisations différenciées, vous voyez là aussi, c'est sur les trajectoires migratoires et leur rôle dans les positions économiques. La socialisation de Sauché, qui est une femme qui part seule, qui est la première à partir de sa famille, qui fonde seule son entreprise, elle va aussi influencer son rapport au travail par rapport à la socialisation professionnelle de son mari, de son frère, qui lui rentre dans l'entreprise via sa femme, etc. Et qui a une socialisation migratoire où il choisit l'anse d'après et sa sœur, et il n'est pas un primo-migrant au sens pionnier qui arrive. Donc là, en tout cas dans les termes de lien entre trajectoire migratoire et type de rôle dans l'entreprise, je pense que c'est aussi un bon exemple. Tout en restant très micro, etc., etc. L'ensemble de ces données contribue à nuancer l'indépendance des femmes entrepreneuses. En conclusion, cette notion d'indépendance, vous voyez qu'elle peut être questionnée de plein de manières différentes, et que souvent on valorise l'indépendance économique en disant « Oh là là, ils sont beaucoup plus indépendants par rapport aux pauvres salariés qui sont dans un grand espace de servitude ». Moi, tout ce que j'essaye de montrer, ce que j'ai l'impression de découvrir, c'est combien cette activité indépendante est faite de servitudes qui ne sont pas forcément des servitudes formalisées dans un rapport salarial, patron-salarié, mais dans tout un ensemble d'autres contraintes. Et que notamment, ces grandes familles que seraient ces boutiques-là sont aussi faites de tout un ensemble de contraintes qui ne sont pas forcément à idéaliser comme un espace douillet de la famille. Voilà, pour finir très rapidement, en m'excusant d'avoir... Merci. On peut un autre sujet, partage, si on ne peut pas rêver mieux.